Des portes, des vieux bouquins, Lucifer. Cette semaine, on a maté la 9e porte et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à la 9e porte de Nin's Gate de Roman Polanski. À mes côtés avec moi ce soir pour en parler, Sarah. Bonsoir Antoine. Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Greg. Bonsoir. Et Julie. Ça fait deux fois que tu nous fais le coup. Hein. Bah, il le fait à chaque fois. Ça sonne mieux avec Julie parce que ça fait Greg. C'est moche. Tu sais qu'ils vont pas t'embaucher à Skyrock en 1980. Non mais il dit full à toutes les émissions en plus. Ce soir, nous sommes tous réunis pour parler de la 9e porte de Roman Polanski, sortie en 1999 de 133 minutes avec Johnny Depp, Lena Olin, Frank Langella et Emmanuel Seigné. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Il est connu sous bien des noms. Il est redouté dans bien des contrées. Mais il ne peut être libéré que par un seul livre. Les 9 portes du royaume des ombres. 3 exemplaires existent. Je suis convaincu qu'un seul est authentique. Je veux savoir lequel. Vous voulez dire que le diable n'apparaît pas? Vous ne pouvez concevoir son véritable pouvoir. Je commence à avoir des visions. Des visiteurs inattendus. Des visages inconnus. Ouais, bah nous aussi. 133 minutes de visiteurs inattendus, de visions et de portes. Ah, il y en a des portes. Qu'est-ce qu'il y a comme porte? Il y en a 9. Roi Merlin. Il est redouté dans bien des contrées, mais pas toutes. Hein. Attention, hein. Il y a les pays où le diable, on s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est tranquille. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Mickaël. Eh ben écoute, moi ce film, je l'ai vu à sa sortie quand j'étais gamin, donc en 1973. J'étais 99. Jeune, je l'avais vu à... Oui, 99, j'étais relativement jeune à l'époque encore, et frais. Et j'avais trouvé ça pas mal en fait quand j'étais jeune. Et en le revoyant, j'ai trouvé ça bien jusqu'à 20 minutes de la fin en fait. Je trouve que finalement l'enquête autour des livres, l'univers des vieux livres, des vieilles bibliothèques, je trouve ça cool. Non, c'est vrai, je trouve ça plutôt cool. Ah oui. Et par contre, la fin, ça part quand même au riz quoi. Ouais, bonne enquête, hein. Oui. Sarah. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Je trouve qu'on a l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il a voulu faire parce que de temps en temps, on sent qu'il a un peu envie de se foutre de la gueule de tous ces gens qui croient au diable. Qui croivent, pardon. Ah, pardon, excuse-moi, Gary. C'est comme ça qu'on dit ici. Oublie pas de me reprendre. Et de temps en temps, ça passe d'un coup à un truc hyper sérieux et c'est un peu ridicule. Et je trouve ça dommage qu'il fallait choisir l'un ou l'autre, quoi. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. Greg. Moi j'avais eu à l'époque où c'est sorti, j'avais eu en promo le t-shirt de la 9e porte avec le pentacle derrière. Tu l'avais eu chez Esso, non? C'était vendu avec un plein. Non, je sais pas comment je l'avais eu, mais tu sais, il y avait le pentacle dans le dos et du coup j'adorais mettre ce truc avec le pentacle, mais j'avais pas vu le film. Et je l'ai vu bien des années après et je pensais vraiment que c'était un truc qui faisait peur. Mais personne t'a rien dit? Non, j'avais pas compris, je crois. Et en fait, j'étais un peu déçu parce que j'attendais, il pensait être méga provoque, elle savait pas du tout ce que c'était, c'est putain, il est pourri ce film. Moi j'avais le même truc avec le mépris de Godard. Un t-shirt, j'avais gagné chez Esso. D'ailleurs, avec un plan. Il y avait un mec qui avait un t-shirt Cannibal Corpse aussi à l'époque. Donc j'avais été un peu déçu parce que ça faisait pas assez peur. Et là, en le revoyant, c'était pas si désagréable, même si c'est pas non plus vraiment dingo. Après, il y a des trucs que j'ai bien aimé. Je trouve ça bien filmé quand même, quoi. Et puis voilà, quoi. Julie. Ouais, moi j'aime beaucoup La 9e Porte. Je trouve que la musique est vraiment super. L'histoire me plaît bien. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu chasse au trésor, entre guillemets, ouais. Pour la chasse un peu de livres satanistes. Mais, Et j'aime, ouais, voilà, l'image, c'est aussi ce dont j'avais parlé. C'est un super chef-op qui s'appelle Darius Kanji que j'aime énormément. Tu voudrais dire qu'on serait un peu d'accord là, Julie? apparemment. Hein, bon, on arrête le podcast maintenant, non, du coup? Non, on arrête ce moi je suis pas d'accord. Il va se créer une faille spatio-temporelle. Contrairement à. à toi, Sarah. Je trouve que c'est ce décalage entre les moments où c'est assez drôle et les moments où ça devient très sérieux qui fonctionne et qui fait que, en fait, pour moi, ça ne se prend pas tellement au sérieux. Je suis assez d'accord avec toi aussi. Avec moi, je l'avais déjà vu, j'avais trouvé ça nul, et je l'ai revu et j'ai trouvé ça nul. Je trouve que c'est un super mauvais thriller horrifique. L'intrigue, c'est grosso modo, hein, c'est un, en gros, c'est des bouquins où on va faire le jeu des 7 différences. Oui. C'est ça le vrai secret du diable. Je suis assez d'accord. La fin, c'est une catastrophe, ouais, de la fin, nullité, c'est mais un peu loupé, c'est ouais. Incroyable comment c'est pourri. Et j'aime bien toutes les scènes avec Emmanuel Seigné, c'est pas possible quoi. Non, c'est pas quand possible. Elle vole et qu'elle fait du kung-fu, moi, je suis sorti du film. En même temps, là, vu Vincent Cassel faire du coup de fou, alors Emmanuel Seigné pour ouais, le coup. Ouais, ah ouais, effectivement, là c'est Lucifer. Putain, mais il y a des trucs, mais c'est catastrophique. On dirait un nanar à des moments. Mais pour... bah, surtout quand elle vole deux fois pendant le film. Ah ouais, ouais, et au moment où elle vole, tu fais. Elle vole deux fois. Mais oui, mais moi je me suis dit. Sur les quais, bah, sur les quais, je m'en souviens. Mais moi je m'étais même dit qu'au moment du montage. Au moment du montage, Polanski il est parti pisser, il a pas vu les scènes où elle vole. Quoi, tu vois, genre, ah putain, elle vole, merde. On a pas enlevé ça. Et non, mais je sais pas, je trouve que. Et pourtant, j'adore Polanski, un de mes films préférés. Oui, enfin, oui, à noter quand même que c'est loin d'être son meilleur film. Mais, hein, pour le coup, pour du Polanski, c'est plutôt. Mais en fait, je sais pas, l'image elle est super belle et tout, mais putain, l'intrigue à la fin, la Ferrari et tout, mais j'étais là, je me suis dit. C'est pas une Ferrari, on en parlera tout à l'heure, ce n'est pas une Ferrari. Ah, toi t'as des anecdotes. Moi j'ai 1 million d'anecdotes sur ce film. Et c'est vraiment l'intrigue à 3 francs, tu sais, genre un truc, on va rentrer dans l'occulte. Et tout, et mon cul, il regarde 3 images dans un bouquin, tu sais, genre, putain, il pouvait exploiter, je ne sais pas, la conjugaison, le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire. Et donc, non, je sais pas, moi j'aime bien en plus les thrillers un peu surnaturels, démoniaques et tout. Et c'est quoi ton Polanski préféré du coup? Chinatown. D'accord, très bien. Mmh. C'est une bonne nouvelle. Ok. Bon, c'est quoi cette question jugement total? C'est lequel? Ok, très bien, c'est noté. C'est accepté. Non, mais ça m'intriguait, tu disais que c'était pas ton préféré, donc je voulais savoir lequel était ton préféré. Et le tien, alors, Julie? Je crois que c'est Rosemary Baby. Ah ouais? Il est bien celui-là. Mais je te dis la mort. En vrai, tu vois, ça se ressemble un peu, c'est-à-dire que c'est un film où tu sais, t'as de la tension, où t'attends, et à la fin, il se passe rien, c'est comme Rosemary's Baby. Quoi, non, dans celui-là, il va se passer un truc, mais t'es pas content de ce qui se passe. Qui résume le film? Alors, pas Michael, sûr. Attention, j'ai rien compris. Je vais vous le dire, il y a des trucs, il va falloir m'expliquer. Moi, je veux bien y aller. Allons-y. Donc, cache ta joie. Hein. C'est l'histoire d'un arnaqueur du livre, un petit peu un spécialiste des vieux bouquins qui s'appelle Corso, qui est joué par Johnny Depp, à qu'on missionne, on va dire, de prouver l'authenticité d'un bouquin qui s'appelle La 9e porte sur le diable. Parce qu'apparemment, il y en a 3. Et on se demande lequel est vrai, lequel n'est pas vrai. Donc, il y en a un en France, un en Espagne. Alors c'est au Portugal. Ne fais pas la. Non, ne confonds pas parce que Polanski confond justement dans la BF, ce qui est insupportable. Non mais parce qu'à un moment on va aussi voir des Espagnols, c'est pour ça qui discutent. Oui. Mais donc voilà, du coup il va aller faire un petit tour de l'Europe pour choper des infos et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là ça va monter en tour dans l'occulte. Hein. Oui. Ah bah clairement. Bah non, clairement pas quoi. Il se passe rien d'occulte à part la nana qui vole quoi. Bon bah attendez, oui, c'est vrai. Ceux qui nous écoutent et qui ont pas vu le film, ils pensent encore que c'est peut-être bien. Gardons espoir. Je fais juste un petit point pour revenir. Qui l'a vu en VF? Moi. Oui. Moi. Moi et je me suis demandé parce que vraiment il y a des dialogues, c'est une catastrophe. Ouais, en VF il est nul, mais on est d'accord qu'au Portugal il parle espagnol. Mais non, mais c'est pas au Portugal. Non, on va y arriver. Attends, toi, t'as confondu. Non. Les jumeaux, ils sont espagnols. Ouais, tu m'en as parlé tout à l'heure. Ils sont espagnols, mais l'action se passe bien au Portugal. Non, c'est en Espagne. C'est en Espagne. Et après, quand il va chez Fargas. Ah ouais, Fargas, toi, t'as vraiment rien capté au film. Ah ouais, oui, t'as la raison. Mais c'est quoi cette histoire de diable? Le film s'ouvre sur un triste monsieur qui va écrire une lettre d'adieu que de toute façon personne ne va lire. On ne va pas lire. Donc il ne sait même pas ce qu'il écrit dedans. Et il va se suicider. J'aimerais tout de suite qu'on fasse un point pendu dans les films. Oui. Le nombre de mecs qui s'auto-suicident en pendaison, mais c'est super dur à mettre en place. Enfin, tu vois, ouais, mais t'as les statistiques sur les suicides là, je sais pas si ça. Auto-suicide, je pense que ça. Tu veux pas me suicider? Non, vas-y, fais-le en auto. Ça, suicide, tu peux faire tout seul. Ah, il est arrivé une triste nouvelle, il s'est suicidé et tout seul en plus. Non, mais à chaque fois qu'il. C'est vrai que c'est un vrai plan à effectuer parce qu'il faut quand même terrible. Avoir la bonne hauteur, la bonne corde pour pas et qu'elle craque. Faut pas que ça pète, faut arriver à faire un nœud pendu qui est déjà super chaud. Il faut comprendre dans le calcul le fait que le lustre va forcément se décrocher un peu, donc voir si tu vas pas non plus avoir les pieds au sol. Même ton nœud pendu va descendre un peu. Et en même temps. Et puis à mettre en place, c'est super compliqué. Mais attends, j'ai envie de te dire, si t'as vraiment très envie de mourir, tu peux y aller. Ouais, mais sans mauvaise blague, mais c'est que une envie de mourir, ça te prend comme un coup de fusil. T'as envie de bam, tu tires d'un coup. Si, si, l'envie de crever, ça met en place un processus avec des poulies et tout. Tu te fais pas un autosuicide comme ça du premier coup. Il faut d'abord que t'aies deux, trois tentatives, de, surtout en pendu. Le mec, il y arrive aujourd'hui, c'est qu'il l'a sûrement tenté avant. Pendaison. Enfin, tout ça, donne, contre, juste petit détail, parce qu'il est en train d'écrire une lettre, il se relie pas, le mec. C'est-à-dire que s'il meurt et qu'il laisse une lettre pleine de fautes d'orthographe, pas la classe. Déjà qu'il meurt en chaussons. Putain, il a oublié des mots, on comprend rien ce qu'il dit. Le livre, c'est celui-là qui a l'étoile sur la couverture. Con. Celui-là qui a l'étoile, c'est celui-là qui a l'étoile dessus. Ensuite, qui. On a alors, attendez, parce qu'on a une info, c'est quand même qu'il manque un livre dans cette bibliothèque. Alors, moi, tout de suite, je me suis dit que c'était Mickaël. Mickaël, est-ce que tu es passé à la bibliothèque? Ah non, je suis pas passé à la bibliothèque. C'était pas toi. Bon, non, non, pis. Je l'ai téléchargé totalement légalement, ce film. Très bien. Bon, comme d'habitude. Ah, bah, toi qui avais pris le livre. Ensuite, sa mort fait une belle transition avec un générique avec des portes qui s'ouvrent. Un combien générique combien super. Combien de portes? Alors, j'ai compté 13. Oh, mais non, il y en a 9. Il y en a 9. Sur une magnifique musique de Warshak qu'il a, effectivement, ouais. La BO est sublime. Ouais. Et d'ailleurs, le générique est moche. Petite anecdote, ils ont pour les amateurs et les collectionneurs de vinyles qui nous entourent, ils ont réédité donc la BO sur un vinyle en couleur. Et en fait, il y a eu un, je pense, petite anecdote, qu'il y a eu un mauvais mélange de couleurs. Et en fait, le disque, il y a des cloques dessus, comme si le diable avait pris possession du vinyle. Et du coup, si tu mets sur ta platine, ça éclate ton diamant, ouais. Ça coûte à peu près 300 balles. Non, mais du coup, ils ont été obligés de virer tous les stocks et de rééditer en juste noir 180 grammes. Sans doute. Du coup, ils l'ont ressorti en cassette. Sans doute un coup de Lucifer. Je pense que c'est un coup de Lucifer. Pour introduire Johnny Depp, vendeur du livre, super arnaqueur. Un peu filou. Bien alcoolo. Alors, on sent que, on sent qu'il touche en livre. Hein. Le mec, il est livre plus. Hein. Il est super doué. Hein. Ouais. Il touche en livre, il touche en whisky aussi. Il est bon, très très bon en whisky aussi. Putain, hein. On dirait le commissaire Maigret, quoi. Je te jure, il boit tout le temps, quoi. Il fait les deux à donf. Et il tombe sur un exemplaire de Don Quichotte, qui, en fait, en réalité, a vraiment été publié en 1780 et qui est considéré comme un des plus beaux et précieux livres dans le monde des bouquinistes et des livres anciens. Putain, quand tu dis ça, Julien, on a l'impression que tu le savais avant. Ah bah peut-être. Peut-être. Tu ne sauras jamais, c'est tout l'intérêt des anecdotes. Ouais. Alors moi, pour vous dire à quel point j'avais rien compris, en fait, il arrive dans une famille avec un vieux qui est grabataire et donc ses enfants veulent vendre sa bibliothèque ou une partie de sa bibliothèque. Moi, je pensais que le vieux grabataire, c'était le mec qui s'était suicidé, qui s'était loupé en fait. Ouais, t'as vraiment rien compris. Ouais. Non, mais sur le coup, non mais en fait, quand les deux séquences s'enchaînent, tu y penses quoi, tu fais le lien, non? Non, je pense qu'il y a que toi qui fais ça. Alors, mais je pense que c'est possible de se poser la question. Mais il y en a un qui fait 100 kilos, l'autre qui fait 70. Ouais. Johnny Depp, il met en place des arnaques. Hein. On sent que c'est un arnaqueur de livres. Alors, son arnaque, elle se voit à 100 km. Tu sais, genre, il fait ouais, ce livre-là, il vaut 500 000 euros. Celui-là, il vaut 10 millions d'euros. Celui-là, machin. Il fait celui-là, c'est 25. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ces livres-là, moi, je vous les débarrasse. C'est de la merde. C'est pour ça que je les veux, parce que moi, j'aime la merde. Moi, j'aime la merde. Voilà, $300, c'est bon. Et tu sais, ils font ouais, ouais, ça marche. Bah oui, il a l'air sympa. Mais personne tombe dans ce putain de piège pourri, quoi. Il fait voilà, ça vaut 2 millions. Et ça, je vous le rachète 20 euros, hein. C'est vraiment pourri. Je vous les libère, hein. Je vous les descends. C'est pour vous arranger. Moi, très honnêtement, j'aurais préféré vendre chez Libère. Hein. Ensuite, ça enchaîne sur une conférence. Ça, c'est hyper pratique aussi dans un film pour introduire la thématique du film. C'est un mec qui fait une conférence sur les sorcières. Sur la sorcellerie. Je me suis posé la question, c'est qui ça. Va voir ce genre de conférence en plein milieu de l'après-midi, parce qu'il ne faut pas avoir un travail pour faire ça, parce que c'est à 14h. Il y a plein de gagaloutes qui font ça. Attendez. Et dans la salle, t'as que des gens qui ont l'air, je sais pas, ils ont 45 ans. On a trop l'impression que c'est les techos, quoi. Il y en a pas énormément quand même, ça a pas l'air, enfin les gens ont pas l'air passionnés, c'est voilà, enfin ils sont 15 dans la salle quand même. Et du coup ça introduit le personnage de Mathilde Seigné. Ah, elle est déjà là ? Ma théorie, ouais. Théorie, parce que alors, il y a plein Emmanuel, de théories. Emmanuel, non, c'est pas Mathilde, c'est Mathilde. Oui, c'est Emmanuel. Ma théorie, c'est que c'est une sorcière, puisque en fait, au moment où on voit apparaître ses pieds à la caméra et tout, on entend oui, les sorcières font tout pour faire apparaître le démon, nanana. Et il y a d'autres personnes avec qui discutais qui m'ont dit qu'ils pensaient que c'était le diable. Tu nous dévoiles là un peu la fin là. Oui, c'est bah quand je même dis, bien caché. Hein. Bah, oui. On a dit qu'elle volait, qu'elle faisait du kung-fu. Il y a que Lucifer qui fait du kung-fu. Là où on s'en sort plutôt bien, c'est que Johnny Depp, il fait pas trop Jack Sparrow, il le fait un petit peu. Ah ouais, il en fait un petit peu quand même. Il en fait un petit peu, mais c'est quand même bien léger, quoi. Je trouve plutôt bon dans ce film. Moi aussi. Ouais. Il fait un peu Johnny Depp quand même. Il est pas, c'est pas la méga. Ah bah il fait de Johnny Depp, mais en même temps c'est pour ça qu'il est en jeu. Clope sur clope en regardant tout le monde avec un air genre ah ouais ok c'est bon. Le mec il se fait casser la gueule, ouais, c'est bon. Je me sers un sky, c'est bon. Tout le monde crève, bon c'est pas grave, on continue. Ouais ouais, il est assez calme. Je l'ai trouvé assez, enfin une personne qui est aussi insensible à la mort que ça, normalement il, oui. Il est sociopathe. Hein. Enfin, mais d'ailleurs, ceci explique pour lui peut-être cela. Sociopathe, hein. on va attendre d'en parler. Mais oui. Comment ça? Ceci explique peut-être cela. Quand même. Ah oui, effectivement. J'adore cette expression. Ceci explique cela. Petit point. Alors, il rencontre petit point juste sur Mathilde Seigny, sur Emmanuel Seigny en fait. Il fait quand même un focus sur sa paire de baskets qui était complètement ringard en 1999, mais aujourd'hui c'est complètement à la mode. Pour le coup, ça passe très bien. Le tripster, ouais. Moi je l'ai trouvé stylé. Alors le grand maître démonologue, il a un ascenseur avec un code secret, il a une bibliothèque avec un code secret, ah oui, et son code secret c'est 666. Le truc le plus difficile c'est à trouver, c'est pas très sécure, hein. Pour un démonologue, c'est juste le code le plus con du monde. Et en plus, on voit bien non, c'est sa date de naissance. On voit bien à la caméra qu'il le fait et tout ça. Et bon, en gros, le grand démonologue machin fait appel à Johnny Depp pour avoir un peu plus d'informations sur le livre du démon. Les 9 portes du royaume des ombres. Vous connaissez? Oui. Venise, 1666, l'auteur est imprimeur, Aristide Torquia fut brûlé par la Sainte Inquisition, en même temps que toutes ses œuvres. Seuls 3 exemplaires ont survécu. Un seul? Selon le catalogue, 3 exemplaires survivent dans des collections privées. Fargas, Kessler, Telfer. C'est juste. Vous connaissez le métier, mais vous vous trompez néanmoins. Selon mes recherches personnelles, un seul exemplaire est authentique. Mais on en connaît 3. C'est là le problème. Où l'avez-vous eu? Je l'avais acheté à Telfer. Telfer? Oui, il a fini par me le vendre. Ça s'est passé la veille de son suicide. Bon timing. Silentium estorium. Le silence est d'or. Précisément. Vous connaissez le délo mélanique. Donc voilà, en gros, l'histoire, c'est que ce richissime démonologue, il a le bouquin La Neuvième Porte. Il sait qu'il y en a 2 autres sur Terre. Il y en a au Portugal et en France. Et il demande à Johnny Depp, arnaqueur express en livre, d'aller enquêter sur les 2 autres bouquins en lui disant, voilà, je me l'ai procuré pour... Lequel est le vrai? D'ailleurs, tous les livres sur les démons, ça finit en conne, en fait. Là, c'est le Délo Mélanicon. Dans Evil Dead, il y a le Necronomicon. Ouais, exactement. Enfin, j'ai pas beaucoup pensé à Evil Dead. Non, voilà, petit remarque. Alors, à noter qu'il l'a acheté au mec qui s'est suicidé, Telfer. Et si vous savez pas qui c'est le dernier dinosaure. Elle est très bien. Moi, j'ai un mini point. Alors ça, c'est un peu précis, mais je trouve ça très drôle. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un bouquin en cuir de 1700. Assez épais, qui doit faire à peu près 1000 pages avec une étoile à 5 branches dessus. Ça me paraît énorme. Ouais, ou alors 500 pages. Un pentacle. Et en gros, dans le film, il va y avoir les 9 images du démon. À chaque fois qu'ils ouvrent le bouquin aléatoirement, il y a une image. Le truc fait 1000 pages, à chaque fois qu'il ouvre, il y a une image. Ouais, mais en fait, il y a des putains d'images partout dans ce livre de 1000 pages. Quoi. Pourquoi il y en a que 9? En fait, c'est BD. Mais de toute façon, on ne voit pas lire le livre une fois. Quoi. C'est-à-dire qu'il tu vois, il doit se focus sur le livre. Le mec, il fait putain, les clés sont dans la main gauche. Mais putain, commence par le texte, connard. Ouais, c'est vrai qu'il le lit jamais. Il le lit pas. Non, mais tout est focus sur les images. C'est-à-dire qu'en fait, s'il avait eu un livre de 4 pages, tu vois, c'était pareil. Quoi. En fait, le mec, il doit mener une enquête, mais c'est un putain de flemmard. Il fait ouais, je vais d'abord commencer par les images. J'ai trop la flemme de lire. Ça fait 500 pages. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est hyper grossier en mode le jeu des 7 erreurs. Les clés sont dans la main gauche, dans la main droite. Ouais, tu vois, dire, au moins, ils auraient pu cacher le truc un peu. Faire un non, mais truc c'est surtout qu'avant même ça, en bas, la signature, c'est écrit oui, LCF c'est pour Lucifer. Lucifer, il s'est dit bon, faut que je me trouve un blaze. je vais prendre les consonnes de mon nom, LCF. Et après, je mets un one. C'est super grossier, quoi. Tu vois, les différences, elles sont comme ça parce que t'es jamais censé avoir les 3 en même temps non plus. Enfin, c'est que tu peux pas t'apercevoir qu'il y a des différences. Et tu seras pas une sorcière, tu es déjà en train de défendre Lucifer, toi. Méga faux, parce qu'on dit pendant le film que chaque propriétaire du bouquin a fait des ouvrages universitaires sur son bouquin où on le voit, il a des photos du livre dans des grandes encyclopédies. Donc le bouquin a été scanné 40 fois. Et donc personne s'est dit putain c'est marrant parce que les versions divergent d'images. Pas les versions n'ont pas toutes été scannées, puisqu'il y en a un qui ne voulait pas le laisser. Comment il s'appelle, là, le portugais là, je sais Vargas, plus. Non enfin, ouais. Enfin, y a, alors, c'est aussi un point livre, ça dure deux secondes, mais en gros, il va lui donner le bouquin qui vaut 1 million. Ouais, c'est ça. Le bouquin, ouais. Et le mec, il le prend toujours à main nue et il s'en bat les couilles. Alors, à un moment, il va même le scanner. Deux choses. Ah, il va le photocopier. J'ai pensé à la photocopie, tue le livre. On y a pas pensé. Bah, putain, le photocopillage. Le truc, surtout, c'est qu'il le transporte dans une besace, dans un sac en bandoulière. Alors, je sais pas si vous avez l'habitude de transporter des bouquins dans des sacs comme ça. En général, en deux jours, il est niqué le truc. Non, parce qu'il met un vieux tissu. Non, mais en plus, c'est pas un tissu genre neuf. C'est un vieux bouquin. Non, faut que je prenne un vieux tissu. Donc, il met un vieux tissu. Et moi, je veux juste faire un. Il le couvre comme les cahiers d'école. Il a mis une étiquette Johnny Depp. Juste faire un petit point lui livre, parce qu'en fait, non, il est, pendant tout le long du film, il traite super mal les livres. Bon, sans parler du fait qu'il est brûlé. Il fait tomber sa cendre de cigarette sur le livre. Il fume et il boit à côté des licons qui coûtent 1 million. Potentiellement, le gars, il renverse son scotch dessus. Genre. Et là, après, ils sont là, genre, qu'est-ce que c'est que cette marque jaune? C'est le diable. Non, c'est moi qui ai mis du scotch. Le mec, il est tout bourré dans l'avion avec des mignonnettes et il lui dit le bouquin à 1 million d'euros, tu sais. Puis quand il tape sa pipe, la note est en bas sur le livre. Moi, je trouve ça limite. Hein. Avec les ronds de café sur les images. Alors là, on va faire la connaissance de la veuve Telfer, donc l'ex-femme du suicidé pendu du début du film. Qui a 35 ans de moins que son mari. À peu près, ouais. Mmh. Oui. Mais elle est belle, hein. C'est une belle. T'as fait dire mille femmes, on sait tous. Non, fait dire mille. Quoi ? Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Michael ? Je vous expliquerai hors antenne. Ah. Je vous montrerai. Et là, je sais pas si c'est la VF qui est hyper nulle, mais vraiment, moi, cette scène, en tout cas en VF, elle était ridicule. Avec la femme qui lui dit « Nous étions en vacances, en Espagne, à Tolède. » Non mais c'était... Enfin moi, je me suis barrée. Quand tu le fais, c'est pas ridicule. Merci. Tu fais très bien. J'ai cru que t'étais vraiment en vacances à Tolède. Et alors, c'est pas alors, Tolède. Les diapos, c'est quand qu'on fait la séance diapos. Et donc effectivement, elle est un peu déglingo. Elle va repasser le voir chez lui, après, en changeant d'avis, en disant « Oui, je vous avais dit qu'en fait... Le bouquin, je m'en fichais, mais en fait, non, je m'en fiche pas. Et elle vient pour faire quoi? Elle vient pour faire la chose. Bah, pour coucher avec Johnny Depp. Coucher, non! Faire la chose. Non, elle se dit qu'elle va faire la chose et pour récupérer le bouquin. Sauf que lui, bah, il fait la chose et c'est filou, il ne fait pas le bouquin. Bah, lui, il est bien malin, il s'en bat les couilles. Il fait, bah, quoi, on a fait la chose, mais ça change rien. Et là, moi, j'ai noté pour sa réaction après qu'il lui ait fait ça. Elle est dingo! Elle est complètement dingo! Bah là, pour le coup, c'est vrai qu'elle est dingo. Hein. Bah, alors là, je l'ai lu. De toute façon, c'est écrit. Réveille comme une dingo, super violente. Elle est violente en plus, elle lui griffe le visage. Non mais ce qui est marrant, c'est que ce move de dingo. Pour illustrer que c'est qu'on parle du diable et qu'il y a le diable, c'est-à-dire que quand elle est énervée, elle fait des petits sauts et met ses mains devant, son visage. Et la femme chat. C'est super subtil quoi, et tu vois, genre limite elle se met des cornes en plastique. Elle a aussi un tatou. C'est vrai qu'elle a un côté chat. Elle a un tatouage du démon là. Ah oui, le tatouage serpent sur la fesse. Aucun on n'aurait pas compris. Ça, elle l'avait fait à Biarritz quand elle avait. Non, hein. Encore, elle a un tribal dans le bas du dos aussi, mais bon, on le voit pas. Elle aurait pu avoir un petit pentagramme sur l'épaule. Hein. Non, démoniaque, c'est un serpent argenté sur la fesse droite, quoi. Tu vois, genre le truc. C'est ce que Lucifer voulait. Elle a un concombre derrière le bras, qui c'est bon, j'ai. Pardon. Du coup, après, notre ami Johnny Depp, une fois qu'il a fait la chose et qu'il a gardé son bouquin, il se dit, bah, vas-y, je vais aller voir les frères. Non, d'abord, je vais passer voir mon meilleur pote à la librairie. Mince. Et le livre était chez lui, en fait, était caché chez lui, et il était quand même pas très bien caché, mais ils ont quand même pas du tout trouvé où il était caché. Alors, son meilleur pote, en fait, Johnny Depp, il a une réaction bizarre, parce que son meilleur pote, avant, quand il le voyait, il était sympa et discutait, et là, il est vendu par le pied à une multiprise. Effectivement, il est plus comme avant, et ça a pas trop l'air de l'affecter. Quand même, ça se chamboule. Non, c'est limite. Moi, j'ai cru qu'il allait le piquer avec un bâton. Genre, ah, il est crevé. Je suis d'accord avec toi, mais il y a deux choses. C'est déjà que le mec, il s'est pendu par le pied. Je vois pas comment tu peux mourir en te pendant par la cheville. Et que deux, c'est peut-être pas un auto-suicide là pour le coup. Et que deux, le premier réflexe qu'il a, c'est pas genre, ah, mon pote, il est mort. C'est genre, oh putain, il est où le bouquin? Et même, il est même pas énervé, il est même pas stressé. Il va juste chercher le bouquin et il se barre et il continue. Bon, il faut vraiment que je continue cette mission. Bah oui, c'est vrai que tout le monde est mort. Pour rappeler son boss et lui dire j'arrête mec, mon pote il est crevé, je vais pas continuer quoi. Enfin... Alors ça c'est pareil, j'ai trouvé ça assez nul, c'est à dire que il se tape une méga crise dans le tacos à l'aéroport en disant. Vous savez qui c'est le chauffeur de taxi, pardon? Un indien? Non. Dans la ville? C'est Roman Polanski, merde. Ah ouais, c'est Roman Polanski? Ouais, je l'ai pas reconnu. C'est un caméo, mais il est un peu grimé quand même. Mais oui, absolument. Ah bah oui. Alors juste un petit point réaction de Johnny Depp, donc il décroche pas son pote, il appelle pas la police, rien, il se barre en fait. Oui, et puis c'est bizarre parce qu'il risque d'être un peu accusé peut-être de meurtre. Enfin, bah oui, c'est la dernière personne vue sur le lieu. Mais t'imagines les premiers clients quand même. C'est un peu choquant quand tu vas t'acheter ton petit. Elle est nulle cette librairie. Non, alors surtout là, il y a toute une phase dans le taxi où le mec il est là, il fait ok, j'arrête, c'est bon, ça fait 10 minutes que j'ai le bouquin dans les mains, mon meilleur pote est mort, tu vois. Il y a quand même une relation de cause à effet assez puissante. Il arrive à la cabine téléphonique, il veut vraiment, vraiment arrêter. Il a le mec au bout du fil et il fait ah, ok, je vais prendre l'avion. Putain, t'as changé d'avis en deux secondes sans aucune raison, quoi. Ça, c'était assez, assez pourri. Voilà, et effectivement, la curiosité est un vilain défaut. Il va voir les super Pablo Brothers en Espagne, là. Ouais, et il arrive en Espagne, et c'est l'Espagne 1950. T'as vraiment l'impression qu'il y a Franco qui va arriver et faire ouais, je suis Johnny. Ah, c'est non, mais c'est l'Espagne Fast and Furious, en fait. Ouais, c'est l'Espagne, il y a des bonnes sœurs, il y a des mecs qui passent avec des trucs à poudre, là. Et on en parlera parce qu'après, il va en France. Ah, ouais. C'est un peu pareil. Hein. Parce que c'est là-bas, en fait, que pour expliquer quand même que le suicidé avait acheté son bouquin à l'époque. Ouais. Oui. Ouais. Dans cette et en fait, cet acteur, donc, qui est tout seul, hein, qui n'est pas, qui est dédoublé, hein, bien sûr, par une savante mise en scène. Putain, c'est dingue. Bah, là-bas, c'est surtout que c'est lui aussi qui joue les mecs à la fin qui sont en train de nettoyer le bookstore. D'accord. Voilà. Et c'était pas du tout un acteur non plus. Voilà. Mais c'était très con d'avoir fait ça. C'était très très con d'avoir fait ça parce que à la fin du film, les mecs qui nettoyaient, je me dis. Bah, c'est le gars du début. Mmh. Et il se retourne et je fais, bah, il a la même gueule. Et après, il se met à parler en espagnol. Quand tu regardes les gravures aussi, il y a un espèce d'ange qui tire une flèche. Je sais pas si vous avez regardé, mais c'est la même tête que le vendeur de livres. Vous avez pas remarqué? Oui, sur les gravures, ils ont les têtes de tous les acteurs, en fait. Ils ont la tête de tout le monde. Ah, et LCF, ça veut pas dire la Ligue canadienne de football. Bon, alors après, on apprend en fait que la moitié des dessins de ce bouquin, ils sont dessinés par Lucifer en personne. Attention, accrochez-vous. Il était bon dessinateur. Alors du coup, je me suis dit, putain, Lucifer, et lui, il avait un style de 1700. Ça tombe bien, il avait le style de l'époque, tu vois. S'il est pas le mec qui t'a fait des comic books avec Wolverine, quoi, tu vois, le gars, ça tombe trop bien. Il a exactement le même style de 1700. Tu vois, il y a pas de. C'est-à-dire s'il arrivait aujourd'hui, il ferait des flops sur les murs. Mais il faut. Oh, j'ai trouvé que les bulles quand même sur les personnages étaient un peu anachroniques avec les dialogues sur les dessins. Je trouvais ça bizarre. Non mais Lucifer est joueur parce que en fait là on apprend très vite que, bah, que c'est à ce moment-là qu'on apprend que avec le truc avec les dessins qu'il y en a qui sont signés par Lucifer. Ah, c'est juste après parce que ça c'est dans le château au Portugal. Non. Et puis là, ce qui me fait un peu marrer, c'est c'est censé être une enquête quand même un peu compliquée et tout. Enfin voilà, c'est encore une fois c'est des livres, ça doit être fin, etc. Et là il fait un petit tableau. Avec, tu sais, les gravure 1, gravure 2, gravure 3. Bah, non, franchement, moi j'ai trouvé ça très clair. Lucifer, bah oui. Ah, oui. Bon, c'est le seul truc que j'ai compris. Alors, ça a le mérite d'être clair. Tu sais, c'est limite, on le voit surligné. Ah, bon. C'est ça. Le gars, c'est censé être un putain de chercheur. Il a pas écrit une ligne de sa vie, quoi. C'est un putain de chercheur, mais au niveau de la liste de Kill Bill, quoi. Et alors, il va voir un mec. Alors, il va voir le deuxième gars qui a un bouquin. C'est un vieux qui est ruiné, visiblement. Puisqu'il habite dans un château vide, je trouvais ça assez triste. C'est horrible. Il a gardé quelques d'autant plus que c'est difficile d'aller voler son bouquin à lui parce qu'il est quand même isolé dans un château en dehors seul. De tout dans la campagne. Il y a zéro sécurité. Plutôt que d'envoyer Johnny Depp, t'envoies deux manos, ils cassent la vitre et ils prennent le bouquin fin de l'histoire. Quoi. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'ils font. Ah non, c'est pas eux qui le font, mais enfin oui, c'est. On sait pas en plus. Enfin, on comprend. Alors, mais la baraque est super flippante. Hein. On dirait vraiment celle de Profondo Rosso de l'extérieur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Belle référence. J'adore. De quoi, Porco Rosso? Alors le château il est vide et alors ils vont ouvrir les deux livres et ils vont se rendre compte d'un truc, c'est que les images, il y en a qui sont différentes. Alors là c'est parti pour le jeu des 7 erreurs. On a un montage, c'est limite genre ah là il a une casquette, là il en a pas. Ah là il regarde, il y a un hélicoptère et là il est dans l'autre sens. Mais ça veut dire pareil quoi, en fait. Avec le journal de Mickey, hein, vous savez. Putain, le montage de Mickey Enigma, mais j'ai halluciné quoi. Je suis non, putain, mais en c'est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lucifer, au moment, il a dit bon, moi j'ai pas trop envie de rester tout seul pendant l'éternité, je vais trouver un petit subterfuge pour que les humains puissent m'appeler. Et du coup, je vais faire 9 dessins. Il faut que le gars, franchement, il soit pas trop con. Et il faut qu'il repère les différences. Du coup, je vais faire 9 dessins, je vais les répartir dans 3 livres. Et si le gars. Il réunit les 9 dessins, à ce moment-là, il pourra m'appeler. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'il fait un jeu de piste, Lucifer. T'as tout compris. Bah, c'est ça. Ouais, de... C'est le pitch du film. C'est l'histoire. C'est quand même super pourri, quoi, comme pitch. Alors, après, un truc que j'ai trouvé super stylé, quand il va sortir du château, il va être suivi par le Manos Albinos, là, celui qui ressemble à Pascal Légitimus, en Black Dragon. Avec un blouson Scott et tout, genre Black Panther. Et là, il va manquer de se faire agresser. Et là, trop stylé, la mise en moto. Et moi, je vous avez pas vu. Et moi, je me suis demandé si c'était la nana de Kill Bill. Hein. Elle arrive, elle est blonde, elle a une moto. Moi, je me suis dit Black Widow. Franchement, non, plus patate, la grosse Suzuki, ouais. Non, petite roue arrière. C'est vrai qu'en mob, ça aurait été moins la classe, quoi, pour le coup. Ceci dit, là, en Vélib. Ceci dit, là, l'autre, il est tout le temps en gueule d'hub. Et où mourrez-vous ? Ouais. Ah, plutôt réponse. Et il part direct en moto, roue arrière. Ça pourrait être cool. Hein. Et qui doit bégère direct sur la moto. Et tu veux pas aller plus lentement, là, s'il te plaît, je me sens pas très bien. T'as un sac plastique. Non, mais surtout, en fait, à un moment, pendant le film, il faisait que teaser. Je me suis dit, ça se trouve, à la fin, on va apprendre qu'Emmanuel Seigny, elle n'existait pas et que c'est que des visus. Le mec est tout le temps en zapoil, quoi. Tu sais, tout le truc des bouquins, il l'a totalement inventé. Il se réveille de sa gueule de bois. Et c'est un vieux clodo dans Paname qui s'est inventé une putain d'histoire. Alors, il est toujours dans son appart à faire réchauffer ses pizzas dans son emballage. Bon, on en est où là? Alors, on en était aux différences des illustrations. Et juste, je vous dis, ces illustrations, elles ont été faites pour le livre. Parce qu'à la base, La 9e Porte, c'est un livre qui a été adapté en film par Roman Polanski. Sauf une, celle où elle chevauche le dragon là parce qu'il fallait changer son visage. Et ouais. Ah, les illustrations existaient déjà en bouquin. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça qu'il a fait ce casting, il avait pas le choix. Il fait bon, là le mec ressemble à Johnny Depp. Oh bah c'est Gérard Jugnot, mais. Pascal Légitimus, c'est lui là, c'est le démon. Ouais, là pour le coup, c'est vrai. Bon, on va pas le prendre, ça serait un peu trop gros, on va prendre un gars qui lui ressemble. Et alors. Le vieux qui lui a servi, enfin tu vois, il l'a quand même, il lui a prêté son bouquin et tout ça. Johnny Depp, il va retourner le voir le lendemain pour essayer de lui acheter son livre. Et alors, il est mort dans la fontaine. Ah, c'est étrange. Hein. C'est super étrange. Alors, il est mort dans la fontaine. Par contre, la porte de chez lui s'est fermée à clé. Alors ça, c'est-à-dire que le mec, il va crever dans la fontaine. Mais avant, il ferme la clé. Si bon, par contre, je pourrais qu'on vole le livre. Ça, méga fort accord. Et alors là, on a le droit à une scène médaille d'or de l'acting. Vous l'avez trouvé ? Vous savez, je commence à me dire que vous en savez trop long. Beaucoup trop long. Pourquoi vous me suivez partout ? Pour qui vous travaillez ? Perdez du temps à poser toutes ces questions. Dépêchons-nous de partir. Il y a un avion qui quitte Lisbonne pour Paris à midi. Nous devrions pouvoir le prendre. Nous ? Ça veut dire quoi ? Vous et moi, ça fait deux, non ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Je suppose que le vieux avait dû surprendre quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez qui lui est arrivé ? Il s'est noyé. Avec un coup de main de qui ? Les morts, on s'en fiche. Pas moi. J'ai de grandes chances de finir comme lui. Pas tant que je suis là pour veiller sur vous. Ah, je vois. Vous êtes mon ange gardien. Puisque vous le dites. Vous êtes mon ange gardien. Alors, ils vont à Paris pour voir qui ? La baronne à roulette. Oh. Chez Liliane Bittencourt. Il va chez Liliane. Là, il va chez Liliane. Il vient chercher son chèque. Alors c'est là j'aimerais bien faire un point sur les propriétaires des livres, en fait ceux qui sont fascinés par le démon. Mais ils sont vieux déjà. Ils sont tous vieux, ils sont tous méga riches et ils ont tous absolument rien branlé de leur vie à part étudier le bouquin, quoi. Ouais. Ben, c'est le principe des riches. Et quoi. C'est des riches. Et ils ont jamais, bité le truc des sept différences, quoi. Il faut que Johnny Depp, qui s'y met depuis deux secondes sans même lire le livre, trouve le secret. Quoi. Et donc là, elle raconte tout le truc qu'en réalité il y a une secte secrète. Je me souviens même plus du nom. La sexe des partous, non c'est pas ouais, c'est la, l'ordre des serpents d'argent. Ouais, les serpents d'argent. Ça, moi, j'avoue que c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une secte, mais en fait, c'est les tocards, la secte, tu vois. Et ça, on l'apprend après, on le voit par la suite. C'est limite, elle parle de Polanski quand même, parce que lui, il était bien tordu niveau sexe. Hein. Oh, ne lance pas la polémique comme ça. Non, alors, je lance pas une polémique. Par contre, je vous dis juste un tout petit truc qui m'a fait hurler de rire quand je suis allé chercher la... quand je suis allé chercher la musique du film sur YouTube, le premier commentaire de la vidéo, c'était écrit « Film de pédophilie ». Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que toutes les scènes de New York, elles n'ont pas du tout été tournées à New York, elles ont été tournées à Paris. Quoi ? parce que, ouais, parce qu'il n'a pas le droit d'y aller. Polanski n'a pas le droit d'aller. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, oui, c'est vrai. Il habite en Suisse, d'ailleurs. Ouais. Il habite en Suisse. Hein. Bah oui, ça fait longtemps. Tout a été tourné à Paris, en tout cas, toutes les scènes de nuit. Mais il s'est foutu où à la Défense. Ça, c'est... Mais juste pour revenir à la secte du serpent d'argent, en fait, au moment où la vieille elle commence à parler de ça, j'ai cru qu'elle allait lui montrer son tatouage sur le cul. J'ai eu hyper peur. Ouais, bah oui. Mais c'est pas un serpent, c'est une langoustine que vous me montrez là. En tribal. C'est un iguane. Alors là, en sortant de chez Liliane, il va se faire alpaguer par Pascal Légitimus dans Black Panther, qui le tue partout, et il décide, pour éviter de se faire casser la gueule, d'aller au bistrot. Génial. D'aller au bistrot. Ouais. Et puis d'y rester jusqu'à la nuit tombée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et de bien se débranler. Ah ouais, il se débranle bien. Il va bien se débranler, il va sortir, il va se faire agresser par le Manos Albinos. Mais bah, heureusement, tu as eu la patience. Elle arrive en volant, alors elle arrive comme un signe. À son secours, j'ai envie de dire. Oh, tout à fait. Elle arrive comme ça en glissant dans les airs un peu à la Tigre et Dragon. Alors Tigre et Dragon, puisqu'elle va faire du kung-fu aussi, ça n'a aucun sens. Ouais, bah c'est la meuf de Kill Bill. Moi, je vous l'ai dit, c'est elle. C'est vraiment. C'est Black Mamba. J'ai préféré Kill Bill. Moi aussi. Voilà, donc lui, il va être un peu sous choc. On va lui casser ses lunettes. Il va casser ses lunettes. On va casser ses lunettes. Et alors, casser ses lunettes, c'est très important parce que du coup, il va avoir une autre paire de lunettes sans aucune raison jusqu'à la fin du film. Alors, le mec, il a Paname, il parle pas la langue. Alors qu'il est mutuel, poursuivi par des France, démons. Par contre, il a le temps d'aller à Lissac refaire une paire. Ouais, mais sa mutuelle marche pas en France en plus. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, Emmanuel Signé se prend un bourre-pif et du coup, Emmanuel Signé du nez. Oh la vache. Excellent. Excellent. Excellent. Et là, quand il retourne à l'hôtel. Elle est drôle quand même, c'est ça le problème, c'est que ça nous fait rire. C'est dur. On aimerait bien lui dire de fermer sa gueule, mais il est drôle. Là. Il est drôle, le fumier. Il nous amuse. Et il rentre à l'hôtel et elle va lui faire une Roi Lion. Et bah là, elle fait un truc un peu chelou quand même. Alors moi, je dis qu'elle touche son sang là, et Star Wars met... épisode 7. Ah, mais non! Mais c'est pas un peu une référence à Deadman, ça, quand même? Le sang sur le front, comme ça. Bah, c'est une référence à plein de trucs. Mais c'est une référence au Roi Lion. Il est là, Hagar, elle est là. Elle va le soir de la biche. Elle commence à lui en foutre sur le pif et tout. Je sais, qu'est-ce qui se passe? C'est un baptême ou quoi? Non, mais Johnny Depp dans Deadman, il a la marque du sang, il prend le sang d'une biche et il s'en met sur le pif. Oui, bah ça va, on sait que t'as vu Deadman, bordel, on s'en fout. Bah non, j'ai jamais vu en plus. Mais c'est surtout que je pense que lui, il s'est dit putain, là c'est bon, je vais baiser quoi. Et derrière, elle lui fout son dans la gueule. Oh, elle va pas s'y mettre. Il y en a deux. Va faire la chose, on s'y met. Elle s'y met aussi, celle-là. Pardon. Elles sont folles. Pardon à tous les enfants qui nous écoutent. Moi, vous remarquerez. Elles font le Roi Lion et ils font la chose. Et ils la font même pas. Vous remarquerez que je n'ai rien dit. Oui, oui, mais toi, je vois bien que tu as envie de le dire. Non, en fait, les satés. Je me réservais pour la scène les finale. Les cochonneries à l'antenne, non? C'est vrai qu'on pourra en reparler. Oh là là, et en plus, vous savez pas à quel point j'appréhende la fin de ce podcast, parce qu'à la fin, il va vraiment y avoir des... À la fin, ils font la chose. Ils font vraiment la chose. Hein. C'est osé. Hein. À la fin, il y a des actes, c'est drôlement osé. Oh, c'est olé, olé. Oh, c'est olé. Et donc, là, il fait une chose, enfin, à moitié intelligente, mais il se dit, je vais peut-être arrêter de me trimballer avec le livre partout. Non. Du coup, il va, chose intelligente, il va la cacher derrière le frigo de l'hôtel. Non, c'est pas le frigo. Il cache au pire endroit du monde. Enfin, bien sûr. Alors, sachant que cacher un livre à 1 million d'euros derrière un radiateur de frigo, je pense que c'est vraiment très con. C'est pas le meilleur moyen de le conserver. Et alors là, il va voir la comtesse, donc la fameuse comtesse Fleur Roulant. De Bettencourt. C'est bien parce qu'avec comtesse, on s'était vraiment imaginé tout de suite quelque chose de. En fait, non, la comtesse. Oui, madame la comtesse, mais j'avais dit comtesse à roulette, donc c'était assez évident. Alors, il faut savoir que madame la comtesse a écrit 9 bouquins sur la 9e porte. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler sur la 9e porte. Et Johnny Depp, il vient lui dire, il lui fait, t'as remarqué qu'il y avait des différences et qu'il y en a où c'était signé LCF. En fait, c'est-à-dire que Liliane, elle avait étudié le bouquin, mais en lisant les mots. Du coup, forcément, elle n'avait pas trouvé la solution. Lire les mots, ça suffit. Que Johnny, voilà, c'est pas pareil. Il faut lire les images. Pourquoi? Eh bien, vous devriez. Je vous apporte ici des copies, des gravures du livre de Balkan. Vous verrez que certaines diffèrent quelque peu des vôtres. Diffèrent? Ce qui veut dire que vous doutez de l'authenticité de mon livre? Si c'est là votre gage de paix, vous pouvez le reprendre et sortir. Mon 9 portes est absolument authentique. Je ne conteste pas cela, baronne. À mon avis, les 3 exemplaires sont authentiques. Mais il n'en reste pas moins qu'on y observe des variantes. Comment des variantes? Si cela était, ce serait une véritable révélation. Comment en êtes-vous si sûr? J'ai déjà comparé celle-ci avec les gravures du livre de Fargas. Dans son exemplaire, les clés sont dans l'autre main. Ici, L'entrée n'était pas murée. Et sur celle-ci, l'homme était pendu par l'autre jambe. Voilà. Donc c'est ça le secret du démon, hein. C'est pas une différence, quoi. J'ai relevé un petit détail assez rigolo. En fait, quand il retourne chez la meuf la deuxième fois, il est posé sur le petit muret au bord de scène, il lit un journal. J'ai fait un arrêt sur image, il lit L'Équipe. Et vraiment, vraiment L'Équipe. Mais c'est un fan du SCO d'Angers. Il loupe pas un match. Et alors, il va se prendre un coup sur la tête, quand il étudie le bouquin, et quand il va se réveiller, l'appartement est en feu. Et alors, le fauteuil de Liliane, il bug un petit peu. Alors, moi, j'ai dit, attention, la comtesse est en roue libre. Voilà. Allez. Et là, elle fait des tours sur elle-même. Là, c'est-à-dire qu'elle est vraiment bloquée. C'est tuning, pour le coup. Et là, quand même, c'est la deuxième fois qu'il sort d'un endroit où il y a un mort. Mais ça ne lui pose pas trop de problèmes. Et surtout, il reste, on a l'impression, 45 minutes autour du truc. Il regarde ce qui se passe, il y a l'immeuble qui est en feu, etc. Ah oui, il va revenir sur les lieux du crime, histoire que vraiment on capte que ce soit lui. Et en plus, il croise bien la secrétaire de l'autre. J'ai pas compris pourquoi. Moi, je pense qu'il va finir en taule, Johnny. Est-ce qu'on peut faire un point secrétaire de la meuf qui est interprétée par David Douillet? Elle est hyper virile, on dirait le méchant boxeur dans Rocky 4, quoi. On peut faire un point, mais je sais pas s'il va aller très loin. Elle est incroyable. J'ai vu un petit caméo d'une des infirmières de H. Effectivement. Qui pourra dire dans son CV qu'elle a joué avec Johnny Depp quand même. Oui, parce qu'il est dans la scène. Avec Polanski quand même. Ah oui, avec Polanski. J'ai fait H et un film de Polanski. J'accélère un peu parce qu'à la fin, c'est un peu brouillon. En gros, il va y avoir. On lui a volé son livre, il va devoir retourner à l'hôtel. Qui était pourtant très bien caché. Oui, derrière on le frigo. Et alors la voiture rouge. Et là, ils vont voler une décapotable rouge. Pourquoi voler? Déjà, on ne la voit pas. Lui, il dit qu'il l'a volée, mais en fait, c'est une Dodge Viper. Et Viper, c'est quand même Venomous Serpente, c'est-à-dire la voiture de Lucifer. Elle est rouge comme Lucifer. Non, mais attends, Lucifer, il fait des jeux des 7 différences et il conduit une Viper. C'est quoi les conneries, là? Il est bien carré, ce film. Il est vraiment carré, ce film. Moi, je pense que c'est la voiture du diable. Lucifer, c'est un beau, tu sais, il boit des Buds. La Bud, c'est la bière du démon. Je bois de la Belzébuth dans ma Viper. Je me suis dit, moi j'ai merdé. Et les sorcières qui me ressuscitent, elles sont sur des Suzuki. Et elles font du kung-fu. C'est quoi ce film de débile, mec? C'est n'importe. Donc bref, et en plus, ils doivent suivre une voiture en mode discrétion. Ils ont la caisse rouge flashy. Le truc, c'est le meilleur moyen. Mais heureusement, ils ont un déguisement dans la boîte à gants. Alors, drôle aussi. Moi, j'ai regardé les panneaux. C'est tourné dans un village qui était pas très loin de chez moi, dans le Val d'Oise. Et on voit les panneaux, genre Beauvais, tout machin. Et c'est-à-dire qu'il y a une vieille bagnole la bagnole qu'on suit, qui est vraiment une bagnole de collection. Et derrière, il y a une Viper, excuse-moi, avec un Saoudien dessus. Moi, je sais pas, je l'ai pris quasiment tous les jours. Cette autoroute, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a que des gofas sur celle-là. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'à un moment, ils s'arrêtent, ils savent pas où aller, ils s'arrêtent et il y a un panneau Saint-Martin. Donc, c'est là où ils sont censés aller, qui est au milieu de la route, mais tourné pas du tout dans le bon sens. C'est impossible de voir ce panneau. C'est impossible de voir ce panneau sur la route, il est dans le virage. Ouais, mais c'est peut-être le panneau qui a été posé par le démon. C'est-à-dire qu'on peut dire ça de tout dans le film. Oui, oui. Alors là, ils arrivent dans le château du rite sexuel. Dans la secte. Avec la grosse fiesta à capuche, là. C'est un peu les cigares du pharaon. Là. Oui, c'est moi, Belzébuth. Ah, voilà, t'as peur. On a l'impression qu'il va y avoir cette musique. Moi, j'ai vraiment cru que c'était le rocker hors culture show, quoi. Qu'il y aurait un travesti qui allait les accueillir. Moi, c'est pareil, j'ai un mini bail. Alors là, c'est attention, c'est un peu coquin. En gros, Il est dingo. On comprend que ça va être des rituels sexuels et tout. Tous ces gens sont milliardaires et ils sont tous très vieux et moches. Bah, ils baissent pas entre eux. Normalement, ils se tapent tous des méga, méga gogo. Mais ils vont jamais se faire la méga fête, genre échangiste entre eux. Ils s'en battent les couilles. Mais c'est pas une secte. Ils achètent des méga escortes. C'est une secte démonologique. Couché, il est dingo. Je ferme cette parenthèse. Tu dis pas ça, toi. Non, mais là, je suis d'accord avec Greg. La scène est assez cool où ils sont complètement ridicules, en fait, dans leur secte. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais il y a des choses qui sont très bien. Mais... Et à un moment, d'ailleurs, il n'y a aucun service de sécurité. Il y a une figurante cul nue aussi, un moment, qui s'enfuit après la scène. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein, parce que c'est vrai. Ouais, c'est très, très drôle. Je vous montre. C'est quand même assez drôle. Parce que c'est bon, ça, je l'ai manqué, dis donc. Balkan, il arrive tout seul, il dit « ça suffit vos conneries », ça suffit vos conneries », il bute Mrs. Telfer. Et là, bah, tu dis quand même, je sais pas, ils sont 50 contre lui, je sais pas, il faut l'arrêter, etc. J'ai pas compris ça, il a pas de pouvoir. Et tout le monde s'enfuit en courant, il fait boue. Ah, mais ça, c'est un peu comme le harcèlement dans le métro. Hein. Il y a toujours plein de monde autour et personne n'intervient. Justement, quand Balkan, c'est un peu cool, quand Balkan arrive, c'est un peu cool, puis il se fait putain, mais arrêtez vos conneries, non, mais ça, arrêtez c'est de rigolo. Faire. tout, c'est bon, il n'y a pas de démon. Moi, le démon, c'est moi qui vais l'invoquer avec mon livre. Ça, je suis d'accord, mais à un moment, il commence à la buter. Peut-être que quelqu'un peut intervenir. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est scandaleux. Ouais, ça, c'est scandaleux. Corso, il ne peut pas, puisque l'autre, elle lui vole dessus. Ouais, en plus, là, elle vole au milieu de tout le monde, personne ne réagit. Enfin, bref, n'importe quoi. La fiesta, Elvire Choco. La fiesta. Salsa du démon plus fiesta, là, je pense qu'ils vont passer une bonne soirée. Grosse fête, ils sont à poil sous des toges, c'est la grosse teuf. Ils se barrent tous. Et alors là, il est niqué Johnny Depp parce que maintenant il veut absolument retrouver l'autre méchant là, je sais pas comment il s'appelle, Balkan, qui est parti avec le bouquin et les plus grosses lunettes du démon. Et là, Johnny Depp, il va faire une petite pause dans un café français. Avec un baby. On écoute de la musette, on joue au baby. Et il y a Yvonne qui est la tenante du bestrot et qui fait super, je vous ai ciré les chaussures, monsieur Depp. Non, mais putain, mec, vas-y, va dans la province, c'est un américain qui demande à cirer tes pompes. Qu'est-ce qu'il dit le carré? Il veut que je les cire ses godasses. Mais plus quoi encore, des mecs, ils nous ont occupés. Qu'est-ce qu'il dit le carré? Et donc là, elle lui cire ses chaussures. Non, elle lui cire pas ses chaussures, elle les fait sécher en fait, parce qu'il y a les chaussures mouillées, parce qu'ils tombent dans l'eau. Mais oui. Et donc on va au château 2, le château du boss final. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a un truc qui met la puce à l'oreille. J'ai trouvé qu'il faisait un temps bizarre quand même. Une sorte de temps un peu démoniaque, si je devais lui donner un adjectif. C'est-à-dire que le ciel est rouge. Donc là, je me dis, tiens, il fait un temps un peu chelou. On va avoir le droit à une baston de merde. Alors, parce que du coup, Balkan, il va se faire son rituel tout seul avec le bouquin parce qu'il veut le pouvoir du démon. Quoi. Johnny va essayer de l'arrêter et là, il va se faire un peu ridiculiser par Balkan. Pourquoi il a un thermos Balkan, vous avez il a un thermos à café. Non, mais c'est pas du café, à mon avis, c'est un liquide démoniaque. Hein, c'est la bière du démon. Ça, c'est sans doute la Belzébuth. Et alors là, Johnny Depp tombe dans le plancher, donc ça craque hein, parce qu'il a mis son pied au mauvais endroit. Mais par quel contre, tu peux mettre le feu au plancher, mais tout reste nickel quoi. Enfin, c'est vraiment. Et là, il va brûler comme un con. Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est drôle. Non, il brûle pas comme un con, il brûle en récitant des poèmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un truc, il fait je ne sens pas le feu, ou je sens la vitalité en moi, ou je sens le machin. Je ne sens rien, ouh, je brûle, je sens rien. Et puis d'un coup, il fait oh putain, ça fait mal en fait, oh merde. Mais ça c'est pareil, génial. Le diable c'est trop un bâtard, il fait vas-y je te donne un peu du pouvoir et je te donne pas les pouvoirs. Il est malin. Il n'y a pas la bonne lithographie. Et donc ouais, Johnny il arrive à s'enfuir et il retrouve Mathilde. Voilà. Et là il baise. Oh la chose. C'est fini. Dis donc. C'est fini. Allez on arrête. Quand même une nouvelle. On a eu ce qu'elle voulait, on arrête. Mais non. Ah bah non, parce qu'après elle le dit à chaque fois. Ah, quelle horreur. Ouais, il va être allongé sur le dos. Elle va monter sur lui. On ne sait pas s'ils font la chose. Elle va se remuer rapidement. Il sous-entend, effectivement. Nu. Et alors là, vous avez remarqué, il y a des effets spéciaux sur ses yeux parce qu'ils sont verts. C'est la première fois. Vert, faut savoir, c'est la deuxième couleur du démon. Hein, c'est... il y a vert et rouge. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même souligner que cette scène est une des scènes quand même les plus ridicules du cinéma? Enfin, moi, j'ai trouvé que avec le château derrière, les flammes et ses yeux verts. Alors, j'ai trouvé que c'était une belle allégorie au démon. Ouais, c'est une belle allégorie. Alors, moi, j'ai pleuré sur cette scène. Moi, une belle scène d'amour. Hein. Oh là là. Miguel, il est là, il fait « Oh, ils ont enfin réussi à finir ensemble. » Je leur souhaite d'avoir beaucoup d'enfants et une très belle vie. Une belle maison à la campagne. Oh, une belle maison dans le Massachusetts. Alors, j'aimerais bien faire un point chose dans tous les films où, tu sais, justement, pour se reproduire, il faut faire la chose avec un démon et tout. Et à chaque fois, ces sessions baises, elles se passent trop bien, tu sais. Genre, le mec est trop à l'aise. Mais t'imagines, c'est sur un gars qui est genre, je sais pas, là, je la sens pas du tout. Il y a le château en flammes. Mais j'arriverai pas là ce soir. Je suis bloqué là. Et tu sais, genre, je pensais à d'autres films où pareil, tu sais, le diable, il doit absolument se reproduire et tout. Et le mec, il est méga précoce, il fait nimp. Il est trop maladroit, il lui fait super mal. Et à chaque fois, c'est des trucs super allégoriques, tu sais, qui se passent trop bien. Ouais, enfin, tu remarqueras quand même que dans Rosemary Baby, ça se passe pas super bien. Hein. C'est peut-être parce que c'est dans l'autre sens, mais. Oui. Bah... Bon, en tout cas, le Johnny, il a récupéré toutes les gravures. Ah ouais. Finalement. Et le démon lui dit. grâce quand même aux deux losers qui ont laissé leur armoire et qui n'avaient jamais fait la poussière. Par c'est vrai. Le twist. Le twist. Pour le coup. Là, ouais. Non, c'était nul ça. Oui, c'est nul surtout parce qu'en fait, Johnny, lui, ce qui le motivait au début, c'était le pognon. Il n'a jamais émis le souhait d'invoquer le démon. Et finalement, il se retrouve avec les 9 gravures et il a plus personne à qui les vendre parce qu'ils sont tous morts. Tous ceux qui étaient intéressés, mais... il va être obligé d'invoquer le démon. Mais c'est le plan, c'est le plan foireux. Non, mais en vrai, vas-y, va invoquer le démon. Mais moi, j'ai pas du tout envie de voir le démon. En vrai, il faut savoir à quoi sert la 9e porte parce qu'on en parle jamais finalement de cette 9e porte. On sait qu'il y a la 9e porte, mais qu'est-ce que ça fait? Ça aurait été bien de l'expliquer. Donc, bah, dans le bout, bah, alors moi, je me suis renseigné. C'est quoi les 8 premières? On a jamais su les 8 premières. Mais dans le bouquin, en gros, il y a aussi, enfin, il y a pas juste le fait de passer par la 9e porte, mais il y a un pacte avec le diable où il va te donner ce que tu veux pendant 20 ans. Et par contre, après, en échange de ça, tu seras en enfer et puis tu devras insulter Dieu. Enfin, oui, voilà. Ça c'est classique avec le démon. Bah, oui, c'est que on n'en parle jamais. Mais donc... d'ailleurs, Emmanuel Seigné l'a invoqué il y a 20 ans et elle dit je veux savoir faire super bien du kung-fu et voler pour faire des films. voilà, pour faire du kung-fu. D'avoir une belle moto. Mais alors, si vous. Tu vois, on va sans doute en savoir plus dans la 10e porte là, qui va faire la suite. Mais d'ailleurs, ça pue vraiment la suite en plus, ce truc-là. Mais sauf que ça a été un échec. Non, pas du tout. Justement, enfin voilà, la conclusion, c'est que Johnny s'est laissé appâter. Non, mais la conclusion, il n'y a même pas de conclusion. Il y a une porte qui s'ouvre avec de la lumière. Putain, la il veut aussi le pouvoir, quoi. Enfin, voilà, il va essayer d'avoir le pouvoir. La 9e porte. Avec ce qui picole. Ça va, il a déjà Vanessa Paradis, il va pas nous faire chier. Et Martin Chenier. Plus maintenant. Emmanuel, c'est pareil. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Ouais. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 5 étoiles sur la 9e porte. On commence gentiment par Jajounette. C'est mignon. Qui nous invente un joli mot d'ailleurs, c'est pour ça, c'est un peu facile, mais ça me fait rire. Excellent film, l'intrigue est bien ficelée, mais parfois un peu prévoyable. Oh, c'est alors, facile de se moquer de l'orthographe dans un film sur les livres où on lit pas une seule page. Ensuite, on continue avec Rod 8000. Rod 8000, il a tout compris. Il nous explique le film, il dit à ceux qui n'ont pas compris la fin, les autres ne lisez pas, la porte s'ouvre. Corso a été choisi, il rentre en enfer, rien de difficile à comprendre, 5 étoiles. Il fait quoi après? Ensuite, on a Zarbon qui nous dit « Oh, hyper prenant, hein ! Oh, j'ai beaucoup apprécié le moment où Johnny Depp lit les initiales LCF pour la première fois. Hein. Le temps qu'il réfléchit à trouver qui ça veut dire est consacré au téléspectateur pour que lui-même trouve de qui il s'agit. » C'était compliqué, en plus. « Et pour ma part, ça a très bien collé. Débilos. Il devrait donner des cours de cinéma, lui. » Et en vrai, je pense que c'est vraiment un film qui est inspiré par le journal de Mickey, hein, entre les 7 différences, les rébus, les rébous. Les rébous, quoi. On continue et on finit d'ailleurs avec Ralphie 59500. Il doit habiter un patelin paumé hein, parce qu'il y a 500 dedans. Qui nous dit « J'ai beaucoup aimé La 9e porte. Ce film a été réalisé par Roman Polanski d'après le roman... » Hein ? Oui, c'est effectivement. L'atmosphère satanique est très bien rendue. La musique est superbe, l'histoire est prenante. Depuis, je le revois toujours avec plaisir, mais je me demandais pourquoi le héros du film, Corso, était si nul. Pourquoi donc le diable s'intéresse-t-il tant à lui ? Bah, j'ai réfléchi à cette question et finalement j'ai trouvé la réponse. J'ai quand même trouvé ce qui se trouve derrière la 9e porte. Alors pourquoi le diable s'intéresse à Corso et pas à un autre méchant comme Telfer dans le film, ou un méchant comme un tueur, un mafieux, un type violent, un obsédé? Corso n'est qu'un type motivé par l'argent. Il est cynique, calculateur, individualiste. Ce n'est pas glorieux, mais c'est tellement commun. Je pense que c'est cela que recherche le diable dans le film, la banalité du mal. Le plus grand mal de nos sociétés modernes, c'est la recherche du profit au détriment de tout le reste. Corso est l'électeur moyen de l'UMP. La morale, l'honnêteté, la justice, tout cela, il s'en fout. Car il a fait de l'argent son seul dieu. Ce sont des gens comme Corso, comme les gens de droite en général. Qui font de cette planète un enfer où la loi de la jungle prévaut. Pour un profit maximal, en un minimum de temps, les gens de droite démolissent l'éducation, la santé, les codes du travail, l'environnement, la justice, la presse, et installent la corruption, le népotisme, l'insécurité, la haine. Oui, si le diable existait, il aimerait Corso, car ce sont les personnes comme lui qui mettent au pouvoir les Thatcher, Berlusconi, Bush, Poutine et autres Sarkozy. Alors à la fin du film, quand Corso entre dans la 9e porte, c'est un bureau de l'UMP qui l'attend. Elle démarrait mal il démarrait mal ce commentaire. Alors, ça faisait vraiment le truc de bouffon. Pourquoi il a choisi Corso? Je vais vous expliquer. Et en fait, c'est pas mal aussi. En fait, Corso, c'est un connard de droite. Mais surtout qu'en plus, il est même pas vraiment méchant, quoi, tu vois. Bah non, il est cupide. Non, mais il appuie là où ça fait mal dans ce commentaire. Je trouve ça bien. Elle est vraiment très belle, cette musique. C'était notre avis. C'est le compositeur de Dracula, c'est ça hein? il me semble, hein, de Coppola. Tu veux dire le mec qui composait dans la maison de Dracula avec Dracula, genre vas-y compose-moi ça. Non, je crois pas. T'as Dracula qui descend, qui fait. Tu me fais une musique. J'ai des meufs qui arrivent là. Là j'ai 32 litres de sang là, ça va être une grosse soirée là, tu fais une musique. Je crois pas que ce soit lui. Il y a moyen de mettre plus de basse. C'était notre avis et celui des autres sur le film La 9ème Porte. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de James Bond contre Dr. No. Si vous voulez mettre un film dans le chapeau sac poubelle que l'on tire, il suffit de nous mettre un commentaire sur iTunes. Mais sachez qu'il y en a beaucoup iTunes, et qu'il y a peu de chance maintenant qu'on... 300 films, c'est ça, je crois. Plus, ouais. Mais... Et vous pouvez écouter d'autres émissions de Fréquence Moderne. En cliquant sur Fréquence Moderne. En cliquant sur Fréquence Moderne sur iTunes. Et ne tapez pas dans Google, on n'a pas de site. À la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Ça fait peur, ça. Ciao.